On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon frérot magicien humoriste, monsieur Kader Bueno. Salut! Comment va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Au top, tranquille, alhamdoulilah. Bon. Tu avais quelques petites anecdotes à nous raconter? Une petite anecdote rapidement qui m'arrive comme ça. J'ai joué en Afrique il n'y a pas très longtemps. J'ai joué au Cameroun. Sauf qu'au Cameroun, je pourrais pas aller avec mes colombes. Parce que moi, j'ai des colombes qui sont super bien dressées avec lesquelles je joue sur scène. Et du coup, fallait que j'en achète là-bas. Déjà, va expliquer à un Camerounais une colombe. C'est très dur. Donc, je lui montre une photo sur Google Images. Il me dit, oui, c'est bon, j'ai le pigeon blanc. Il va vraiment me chercher un pigeon blanc que eux élèvent pour me les manger. Donc, dis-toi qu'ils sont goinfrés à je ne sais pas quoi. Il me l'a ramené. Et le carton, il était fermé. Écoute, vraiment, le carton était fermé. Il me le dépose dans le hall de l'hôtel. Je monte avec le carton. Je me suis dit, dedans, c'est sûr, il y en a au moins 5. Le carton, il était lourd. Je le pose dans ma chambre, je me dis, bon, je vais me laver vite fait. Après, je vais m'en occuper dès que je serai prêt. Et je te jure, je rentre sous la douche, je ressors. Je vois le carton, il est ouvert et il n'y a rien dedans. Je pète un câble, je fouille de partout dans la chambre. Je lève ma tête sur la lampadaire, il y avait une poule, c'était pas une colombe. Il y avait une poule blanche qui était sur la lampadaire, qui me regardait. J'ai essayé de la prendre et elle mettait des coups de bec. Bah, j'ai dû appeler des renforts, quoi. C'était horrible. Est-ce que t'as pu faire ton tour avec, quand même, ou pas? Bah, écoute, non. Non, je l'ai donné à un Camerounais qui a dû, bah, logiquement, la consommer, quoi. Oui, hein, j'imagine, ouais. Et puis, il perd son âme. Bah, il a fait un tour de magie, il l'a fait disparaître. Bah, oui, on va dire ça comme écoute, ça. C'est déjà pas mal, ça reste dans le thème. Écoute, vraiment, merci. Plus jamais de tour de colombe à l'étranger, donc voilà. Merci beaucoup. Bah, écoute, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, donc Kader Bueno. Kader Bueno, Facebook, Instagram, Snapchat et mon spectacle actuellement à l'Apollo Théâtre. Ouais, ne ratez pas ça tous les samedis dimanches à quelle heure? À 16h. À 16h, d'accord. C'est un spectacle familial, vous pouvez venir entre amis, avec grand copine, plaisir. Voilà. Si tu ramènes ta copine. Si on aime l'humour, si on aime la magie, voilà. Ton spectacle réunit les deux. C'est ça. Parfait. Mais écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Sofiane. Mais avec grand plaisir. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Humoriste sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. N'hésitez pas, si vous écoutez sur iTunes, à laisser 5 étoiles et un commentaire. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.